Le 12 dernier, l'Amnesty International a réclamé aux autorités sud-coréennes la rencontre des citoyennes coréennes kidnappées collectivement par les agents du Centre de renseignement sud-coréen avec leurs familles, conformément à la demande juridique des droits de l'homme.